de prodige, la fleur du meeting aérien, tout le gratin de la voltige, garde leurs casques à la main. Je vais sur leur exécuteur, malgré la sainte horreur du vide, quelques figures intrépides, dans mon aéroplan blindé. Suis-je distrait, mon cœur s'il vous plaît, à quoi peut bien servir à mon chaval? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous fait cet effet? Le fait que je m'effraie à compter dans la cabine de pilotage. Tous ces cadrans, tous ces leviers qui semblent narder mon courage. Juste au moment de démarrer, c'est parti! Mon Dieu, quel furieux décollage! Tout dans un boulot de barbelé. Non, c'est plus, c'est assez. Au train d'atterrissage, j'en suis tout retourné. Quelques curieux décapités. Malgré ce sérieux handicap, on va taper un petit raspa. On s'amuse comme des fous. 1300 kilos de carreaux. Qui plus chie d'un seul coup. Mon copilote a une attaque. Sauf qu'il paye assez beau. Il a gerbé tout son revenu sur les genoux d'un sapeur-pompier. Quand on se demande bien ce qu'il fout, hein. Dans mon aéroplan de l'air, allez, sortez, sortez. Ou alors sifflez. Mon aéroplan blindé, un déluge providentiel, fait que de belles effarouchées cherchent refuge sous mes ailes. Attention les gamines, pour le vol du cordon, va y avoir du frisson dans les chines. À fond les gaz, on attaque un looping, juste à la sortie du Grand Canyon. Sticari, j'ai comme la sensation d'être un chewing-gum au fond d'un lance-pierre. Mannequin bis, n'accourt pas en arrière. Ils ont dû monter l'hélice à l'envers dans mon aéroplan blindé. Y'a qu'à moi que ces trucs-là arrivent. Jamais vu ça même au ciné. C'est l'overdose de la dérive. Dès que le moteur a réagi, une merveilleuse technique. Tous les chandelles et les piquets. Surtout pas l'électricité. Grosse brute. J'avais prévu en cas de chute quelques coupons de toile de jute pour me servir de parachute. Qu'est-ce qu'elles ont toutes à ricaner? Ah oui, la Terre se rapproche à la vitesse de la grande V. Prêt pour la dernière taloche. Sous sa fragile sépulture de toile et de tôle éventrée, gîte un héros de l'aventure dans son aéroplan. Hey, monsieur, dessine-moi une chèvre. Monsieur, t'es sûrement une chèvre. Tu vois pas que je suis occupé, non? Pourquoi faire? Hein? Bah, pour mon mouton, tiens. Nettoyer fils, mais ah, hein. Tu dis quoi? Ah, mais que si, mais godio, mais ah, hein. Alors, à tout ça, ma belle, la fête, non? La fête, non? Et bah, il a voix, bah, il a voix, bah, il a voix. Les matés la caserne. Côté ça? Yo, bah, moi, en godio. Godio a trop grand pour moi, mais yo, dis-moi, faut qu'on mette. Mon pote y ba caporal. Côté ça. Pour caporal la paix changé bon main. Monsieur a dit moi comme ça, faut pas comprendre nous la caille maman, ou t'en me dit. les mante la kazen. Côté ça. Yo ba mwen en pantalon. Aïe aïe aïe. Pantalon en trop grand pour mwen. Mais yo di mwen, fok ou metey. Mon pote y ba kaporal. Pour misye a pe change y ban mwen. Misye a di mwen kon sa. Mange chouval ou kay grossi. Pe la cool 16 ou pas sa chante frère. Ou pas sa chante. Ça, ça misye a gadi mwen. Bon, laissez-moi la rentrer. Laissez-moi la rentrer.